La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce troisième volet de notre série en quatre épisodes consacrée à l'écrivaine américaine Toni Morrison. C'est une femme charismatique, engagée et provocatrice, un écrivain qui en impose tant par sa personnalité que par son parcours, le parcours d'une femme qui a brisé le plafond de verre pour devenir la romancière nationale américaine, ou du moins pour cette partie de l'Amérique qui ne refuse pas le principe de l'égalité des droits civils. Le portrait de cette femme et une première présentation de son œuvre, c'est ce que nous avons fait lundi dernier dans une émission qui reste téléchargeable sans limite de durée. Si Toni Morrison n'est pas l'auteur de romans à proprement parler historiques, elle va pourtant puiser dans la mémoire de l'esclavage l'essentiel des thèmes de ses romans. Nous l'avons vu hier avec Claudine Reynaud, qui nous a notamment parlé de son livre le plus célèbre, Beloved. Enfin demain, avec Vanessa Silvanis et Josiane Savigno, il sera dans un premier temps question de la notion d'art noir que Morrison a revendiquée pour son œuvre, puis de son roman Paradis. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de votre essai, publié il y a quelques années sur l'identité dans les romans de Toni Morrison, nous sommes en votre compagnie, Annie-Paul Miel de Prinsac. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de commencer, il faut dire que dans votre livre, il y a une photographie où l'on vous voit en compagnie de Toni Morrison. C'est dans un restaurant du Quartier Latin, vous la connaissez donc personnellement assez bien. Écoutez, bon, assez bien n'est peut-être pas le terme, mais j'ai au moins déjà une fois ensemble. Voilà. J'ai eu l'occasion de la rencontrer et c'est effectivement un personnage charismatique, assez monumental et en même temps assez difficile, on peut le dire. Assez difficile et qui, à mon avis, partage avec son personnage Pilate. Le personnage du trickster, hein, de la personne rusée qui remonte à cette divinité africaine, Eshu, et qui serait la troisième, le troisième principe de la création, qui réunit donc l'alpha et l'oméga, les principes positifs et négatifs, et qui est également le grand interprète, celui qui apporte la signification aux choses, et le messager des dieux. Bon, on le compare parfois à Mercure, c'est pas tout à fait Mercure, mais c'est un personnage très important qui est au centre de l'œuvre de Morrison, et qui est parfois menteur, qui ne dit pas tout ce qu'il pense. Et je pense que Toni Morrison s'amuse beaucoup parfois à dire une chose et à dire le contraire, quand ça l'arrange, de façon à tromper son public. Alors je vais vous ramener à des choses un petit peu plus triviales. Cette bouteille de vin qui est sur la table de ce restaurant où vous vous trouvez avec Toni Morrison, c'est une bouteille de Bourgogne. On voit bien sur la photo qu'elle est vide, cette bouteille-là. Évidemment, elle est vide parce que Toni Morrison, c'est quelqu'un qui savait vivre, qui sait vivre, qui a un savoir-vivre et qui en même temps a une philosophie de la vie. Et d'ailleurs, les deux vont peut-être un petit peu ensemble, Annie-Paul Miel de Prinsac. Écoutez, oui, elle s'est révélée une très bonne vivante avec nous, en tout cas. Elle a réclamé du champagne à l'apéritif et puis la soirée a été très, très, très, très agréable et bien arrosée. Et notre Toni, qui était très appréhensif parce que c'était un groupe d'anciens boursiers de Harvard, et elle avait une certaine dent contre les gens de Harvard qu'elle considère un petit peu, enfin à l'époque qu'elle considérait comme un peu arrogant. Mm-hmm. Enfin, elle avait laissé entendre que ça ne lui plaisait pas trop finalement de rencontrer des gens qui étaient allés là-bas. Et je crois qu'elle a oublié ses ses préventions pendant la soirée et nous a mené très loin. Parce qu'une fois qu'elle s'est mise à compter et à raconter, ça a été... on ne pouvait plus l'arrêter. Oui. Mais moi, là où je voulais vous emmener, c'était sur cette idée de la sensualité et de l'amour de la bonne chair chez Toni Morrison. Et peut-être en particulier, vous avez parlé de Pilate. Vous avez dit que c'était un personnage qui lui ressemblait. Pilate, c'est donc ce personnage dans son roman Le Chant de Salomon. Et Pilate, elle a une recette des œufs durs. Voilà, absolument. Une recette extraordinaire. Une recette extraordinaire qui peut surprendre. Et comme je le dis dans mon article, j'ai malheureusement pas les livres de Toni Morrison parce que j'ai pas eu le temps de les relire. Mais... je ne sais pas si j'ai le temps de citer. Vous avez le temps. Vous voilà. Avez le temps. Alors, elle est avec ses deux garçons, son neveu, entre autres, qui arrive chez elle un petit peu moqueur. Et puis, elle leur fait la leçon. Et elle leur parle justement de la façon de faire cuire des œufs. Écoute, il faut que l'eau et l'œuf se rencontrent sur un pied d'égalité. L'un ne peut dominer l'autre. Alors, il faut que la température soit la même pour les deux. Je tiédis l'eau d'abord. Il faut pas qu'elle soit glacée, mais pas chaude non plus, parce que l'œuf, lui, est à la température de la pièce, tu vois. Ensuite, on fait bouillir. Le vrai secret est là. Quand les premières petites bulles montent à la surface, quand elles sont grosses comme des petits pois, avant qu'elles deviennent grosses comme des billes, juste à ce moment-là, tu enlèves le pot du feu. Tu te contentes pas d'arrêter le feu, tu enlèves le pot. Tu poses un journal plié sur le pot et tu vas faire un petit quelque chose. Répondre à la porte, vider le seau, le rentrer s'il est resté dehors. En général, je vais au cabinet. Pas pour la grosse commission, non seulement un petit besoin. Si tu fais tout ça, tu obtiens l'œuf dur mollet le plus parfait. Et évidemment, cette description, peut prêter à confusion parce que c'est... Effectivement, on peut se demander si c'est une vieille folle, si elle nous donne la recette que tout le monde connaît a priori, mais est-ce qu'on la connaissait bien que ça ? Est-ce que c'est peut-être un peu plus que ça, oui. C'est un peu plus que ça parce que ces œufs sont d'un velours, je parle du velours de l'œuf dans la gorge. Enfin, c'est quelque chose de très spécial. Mais ce qui est très important, c'est ce qu'elle note, bien sûr, le fait qu'ils soient tous les deux à même température. Mmh. C'est comme ça qu'on fait des vraies rencontres entre les gens. C'est quand tout le monde est à la même température. Exactement, exactement. C'est très important. Et le vin de Bourgogne y aide beaucoup. je crois que là, elle dit déjà quelque chose. Enfin, Morrison dit quelque chose qui sera absolument majeur dans toute son œuvre, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, d'où le titre de mon livre, et que c'est seulement lorsque les individus, l'homme et la femme en général, arrivent à la même température, ce qui peut prendre des années, ce qui peut prendre beaucoup d'efforts, naturellement, personne ne dit que c'est facile, mais à partir de là, le dialogue est possible, et avec le dialogue, le dépassement de soi, c'est absolument... quelque chose de magistral, l'accord aussi, l'harmonie des contraires, enfin, tout ça découle de ces œufs à même température, enfin de l'eau et l'œuf à même température. Alors c'est vrai que c'est difficile, il faut de la patience, il faut aimer le travail bien fait, être un peu comme Toni Morrison, un artisan, un bon artisan. Et tout ça, c'est ce que vous appelez la philosophie pragmatique de Toni Morrison, Annie-Paul Miel de Prinsac. Oui, si vous voulez, j'entends par là qu'effectivement, elle a dit elle-même qu'il fallait nettoyer la langue, nettoyer les mots, parce qu'au départ, la langue anglaise, bien sûr, a trahi les Noirs. En Amérique, les esclaves parlent cette langue qu'on leur a imposée, qui n'est pas la leur, puisqu'on les a privés de la leur. Et très souvent, ce qu'elle veut dire pour les Blancs ne veut pas dire la même chose pour les Noirs. Donc, il y a toujours cette dualité. Et il faut aller au-delà de cette dualité. Et l'esclave est quelqu'un qui est complètement démembré, qui est aliéné, qui est en morceaux. Atomisé. Voilà, c'est le terme peut-être le plus radical, mais il ne reste plus rien. Il n'y a pas de conscience, il n'a pas de langue, il n'a pas de nom, il n'a des fois plus tout son corps. Il n'a plus d'histoire, souvent. Il n'a plus d'histoire. Et qu'est-ce qui reste, sinon, les choses toutes simples de la vie, c'est-à-dire, Paul dit, quand il est dans sa prison en Géorgie, s'attache à une petite étoile, à une salamandre, à une ou deux choses qui vont le préserver de la folie et le convaincre que la vie est belle et que la vie existe encore et qu'avec ces petites choses-là, on va pouvoir continuer de vivre. Donc le pragmatique, là, c'est les petits objets, justement, qui sont des choses concrètes et qui nous permettent de vivre malgré tout. Oui, je crois que c'est très important parce que, bon, beaucoup parmi nous connaissent cela parce que nous sommes entourés de souvenirs, de choses qu'on nous a offertes, mais nous sommes dans une civilisation qui a tendance à nier tout ça. À jeter. Tout, on jette et on remplace et les choses n'ont pas vraiment de valeur. Et cette multiplication et en même temps ce non-sens des choses, puisque plus on les multiplie, moins elles n'ont de valeur, va à l'encontre de ce qu'est la vie réellement. Parce que toutes ces choses-là acquièrent, non seulement elles sont des vestiges de la mémoire, justement. Et la romancière, lorsqu'elle va reconfigurer l'histoire des Noirs, n'a que des vestiges, puisque cette histoire n'existe pas, elle n'a pas été écrite. Donc c'est avec ces objets, qui peuvent être des objets terribles, qui peuvent être les objets de l'esclavage, de la torture, comme c'est le cas pour Paul D., cette espèce de langue de métal qu'il a dans la bouche et qui l'empêche de parler, de s'exprimer. Mais aussi des objets plus étranges, comme l'arbre que Seth a dans le dos, qui au fil des années se métamorphose et va devenir une sorte d'arbre en fer forgé, qu'elle ne ressent plus puisque son dos est complètement insensible, mais qui évolue avec elle et qui elle sait qu'elle a cet arbre dans le dos puisqu'on lui a dit. Et si vous voulez, cet arbre, c'est une forme d'écriture aussi de l'esclavage qu'évidemment la romancière va déchiffrer. Puisque pour un historien, il n'y a que la preuve qui compte et la preuve, la blessure, c'est la première preuve. Oui. Il y a aussi les boucles d'oreilles dans Beloved. Oui, il y a aussi les boucles d'oreilles de la petite Beloved qui ne voit que ça de sa maman. Elle à bord du bateau où elle est entassée au milieu de centaines de morts et de vivants. Il n'y a que l'éclat de ces boucles d'oreilles qui lui rappelle que sa maman est toujours là. Mmh. Et quand les boucles d'oreilles disparaissent, c'est la panique, c'est l'abandon. Donc on est là dans le palpable. Oui. Il s'agit pour Toni Morrison, non pas d'aligner dans des livres, sans doute évidemment une suite de mots désincarnés, mais bien de leur donner une sensualité, une épaisseur, une tonalité. Donc cette philosophie pragmatique, ce rapport petit objet, se retrouve dans l'écriture. Oui. Et personnellement, je pense, pour moi, le roman où elle a le mieux réussi, qui me paraît le plus poétique, alors j'utilise le mot poétique, même si elle dit que, bon, elle dit ce qu'elle veut, c'est Le Don, justement, Meossé, qui est vraiment le premier roman où elle est parvenue à nettoyer la langue tellement bien qu'il n'y a pas un mot de trop. Je crois que c'est un petit roman, mais un petit roman très intense, et où sans arrêt on a cette sensation les descriptions sont absolument extraordinaires, tout en étant très succinctes. Hein, deux, trois mots vous permettent de voir quelque chose. Donc elle n'aurait pas dit, comme certains intellectuels de l'après-guerre, que le langage est mort. Non, certainement pas. Et d'ailleurs, elle l'a revendiqué dans son discours à Stockholm. Le langage est ce qui nous fait homme. Le langage est ce qui nous... c'est l'équivalent de la vie. Je veux dire, le jour où l'homme aura renié son langage, il ne sera plus homme. C'est là où elle est poète, d'ailleurs, parce que, malgré tout, parce qu'elle est un petit peu d'une époque époque où, enfin disons qu'elle regrette l'avant du positivisme, l'avant du scientisme, et c'est là où elle a un rapport au langage qui est, à mon sens, poétique. Oui, oui, oui, c'est là pour moi qu'elle rejoint, enfin dans mon panthéon personnel, qu'elle rejoint Shakespeare, c'est-à-dire une époque où, avant, ou enfin disons à la limite, mais ça restait avant l'imprimerie, si vous voulez, puisque Shakespeare n'a même pas publié son œuvre, où l'oralité, la musique de la langue et la sensualité, parce que quand vous parlez, vous ressentez les mots, étaient primordiales et les gens entendaient avant que de voir. Et d'où l'importance, d'ailleurs, d'être capable de décrire pour cette femme aveugle dans son histoire, dans son discours du Nobel. Les garçons qui l'interrogent lui demandent à la fin de comment arrive-t-on à cela, ce langage qui permet de décrire les choses comme si on les voyait pour quelqu'un qui ne les voit pas, justement. Alors, on parlera de ça en particulier demain, et puis de Shakespeare, on va parler dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord vous faire entendre un extrait du chant de Salomon, lu par Guillaume Gallienne. Je travaillais côte à côte avec mon père, à côté de lui. Depuis l'âge de 4 ou 5 ans, on travaillait ensemble, juste nous deux. Notre mère était morte, morte à la naissance de ta tante, Pilate. Pilate n'était qu'un bébé. Elle passait les journées dans une autre ferme. Je la prenais dans mes bras pour la porter là-bas moi-même tous les matins. Puis je traversais les champs pour rejoindre mon père. On attendait président Lincoln à la charrue et c'est comme ça qu'on appelait la jument, président Lincoln. Papa disait que Lincoln avait été un bon laboureur avant d'être président et qu'on ne devait pas enlever un bon laboureur à sa charrue. Il avait appelé notre ferme Paradis Lincoln. Une toute petite ferme que c'était, mais elle me semblait grande en ce temps-là. On avait un étang de 4 arpents et un ruisseau plein de poissons, en plein cœur d'une vallée. La plus jolie montagne que t'aies jamais vue, les crêtes de Montour, jusqu'au nord de la Susquehanna. On avait une porcherie à 4 boxes et une grange de 42 mètres de long. Et tout autour, dans les montagnes, il y avait du chevreuil et du dindon sauvage. Tu peux pas savoir ce qui est bon si t'as pas goûté le dindon sauvage comme papa le préparait. Il le laissait rôtir à la broche pendant 24 heures. Et la viande était tendre, goûteuse, juteuse. Ma compère s'interrompit et laissa monter un sourire à ses lèvres. Il n'avait rien raconté de tout cela depuis des années. Au début de son mariage, il parlait souvent à sa femme du paradis Lincoln. Assis sur la balancelle de la terrasse dans l'obscurité, il recréait la terre qui aurait dû être la sienne. Ou encore, au moment où il venait de se lancer dans les affaires immobilières, il s'attardait chez le barbier pour échanger des histoires d'hommes. Depuis des années, il n'en avait pourtant plus eu le temps, ni l'envie. Mais maintenant, avec son fils, Macon, troisième du nom, cela le reprenait. Et le moindre détail de cette terre lui était présent à l'esprit. Le puits, la pommeraie, la jument, président Lincoln, Ulysse Grant, leur vache, General Lee, leur cochon. C'était par ces animaux qu'il savait ce qu'il avait retenu de l'histoire de son pays. La compagnie des auteurs sur France Culture, à quoi pensez-vous, Annie-Paul Miel-de-Prinsac, en écoutant cette lecture par Guillaume Gallienne ? Écoutez, c'est un passage, effectivement, ce dindon sauvage. Il faut goûter ça. Hein. Avec une bonne bouteille de Bourgogne. C'est quelque chose de qu'on a envie de connaître. Ainsi d'ailleurs que cette vallée mythique, hein, ça fait penser à, hein, au milieu coule une rivière. Enfin, on est tout à fait dans un rêve américain, là, un rêve qui sera interdit, donc. Pendant très longtemps, en tout cas, aux Noirs américains, hein, puisque dès qu'ils avaient l'occasion de réussir, et bon, il paraîtrait que c'est l'histoire de la propre famille de Morrison, on s'arrangeait pour les chasser. Donc, en fait, c'était même pas le fait de pas savoir lire, parce que Milkman va reprocher à son père d'avoir signé n'importe quoi pour se faire éjecter, mais en disant il savait pas lire, mais même quand vous saviez lire, vous vous faisiez éjecter quoi qu'il arrive. Donc c'est d'autant plus beau et sensuel que ça fait partie du manque et de quelque chose qui n'existe plus, en tout cas pour beaucoup. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de Shakespeare. Revenons-y. Avec Claudine Reynaud, hier, on a déjà parlé de la question de l'oralité. Mais vous, vous y ajoutez justement la relation de Toni Morrison à Shakespeare, parce que Toni Morrison est l'auteur d'une pièce intitulée « Desdemona », dans laquelle elle fait une lecture qui est une lecture féminine de la pièce de Shakespeare, Othello, à partir de ses non-dits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les enjeux pour Toni Morrison de cela? Eh bien, écoutez, je pense que, enfin, vous l'avez dit, elle fait donc une lecture féminine parce que c'est vrai que Desdemona et sa dame de compagnie Emilia dans la pièce ne disent pas grand-chose, encore qu'Emilia a quand même une bonne tirade assez féministe chez Shakespeare. Desdemone est un personnage magnifique, c'est une sorte de femme parfaite qui est très dévouée, qui est audacieuse puisqu'elle ose aller à l'encontre de toutes les lois de Venise pour se jeter dans les bras de cet homme, ce Moor, qui évidemment vient d'ailleurs et qui l'aurait séduite par des histoires exotiques, justement. Qui l'aurait séduite, je pense, plus par le fait de raconter des histoires, tout simplement, hein, et cette communication à la même température entre eux. Mais malheureusement, bon, Shakespeare n'en dit pas plus, mais... effectivement, Morrison s'ancre sur la petite phrase de Desdemone qui parle de sa nounou, Barbary, et donc on apprend un peu stupéfait, et souvent on l'apprend pas parce qu'on ne le voit pas ou on ne l'entend plus, on fait pas attention, qu'elle avait une nounou africaine. Et si vous voulez, la question, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Je suis venue à Nanterre lors de la première de Desdemona. En 2011. Voilà. Et c'est effectivement une trouvaille qui place Morrison à côté de Shakespeare et qui essaye d'aller plus loin. Mais si vous voulez, si le but était de dire que Shakespeare n'est pas féministe et qu'il a oublié quelque chose, je conteste un peu dans le sens où je pense qu'il est dommage qu'elle ait oublié, qu'elle ne mentionne jamais le mouchoir. Or, le mouchoir, c'est l'autre partie de cette Barbary, et c'est un mystère, effectivement, de la part de Shakespeare. Donc, Othello fait cadeau de ce mouchoir qui lui a été donné par une généalogie de femmes. Sa mère, mais avant sa mère... Alors, c'est l'objet qui se transmet. C'est l'objet qui se transmet entre femmes et par des femmes africaines, d'Égypte. C'est très surprenant parce que ça correspond tout à fait à ce que Morrison dit dans pas mal de ses romans. Et Othello a donc ce « trick of life », hein, ça c'est un terme qui est dans Paradise, c'est-à-dire cette connaissance de la vie que seules les femmes peuvent transmettre. Et donc Othello doit le transmettre à sa femme, mais il détourne l'objet pour en faire un objet de possession personnelle et finalement une revendication de son moi à lui. Ah, de son moi. Je vois qu'on glisse vers la psychanalyse, qui est l'un des grands sujets, l'un des grands thèmes, finalement, le grand thème de votre livre, Annie-Paul Miel-de-Prinsac. Alors, il y a une écoute chez Toni Morrison qui pourrait faire penser à l'écoute du psychanalyste par rapport à la personne qu'il a sur son divan. Vous diriez que la cure psychanalytique, elle est présente dans l'œuvre de Toni Morrison? Je pense que oui, je pense que, bah, écoutez, c'est, j'avais lu Marie Cardinal avant de lire l'extrait de Playing in the Dark où elle dit qu'elle a lu Marie Cardinal et que pour elle ça a fait tilt. Et donc on parle bien de psychanalyse là, on parle bien de ce traumatisme premier qui va devoir se résoudre longuement par la parole entre deux personnes idéalement. Et si vous voulez, bon, la psychanalyse m'a servi un petit peu de cadre parce qu'il fallait un cadre aussi scientifique pour ce travail, mais je pense qu'elle envisage son travail d'écrivain toujours par rapport aux gens qui vont la lire, et c'est une conversation. Elle dit bien qu'elle laisse des trous dans ses romans pour que le lecteur puisse combler par l'imagination ce qui manque et puisse au besoin orienter le roman comme il l'entend. Et donc il y a la volonté d'établir une voie et une fois de plus on revient à Pilate, donc qui est le plus fantastique personnage de Morrison, je crois, mais qui est une sorte de griot qui commence par imposer aux garçons le silence, leur dit vous allez apprendre à entendre, écouter. Elle est assez sévère quand elle parle. Elle veut l'attention totale. Petit à petit, on va évoluer vers une relation davantage, plus égale entre l'homme et la femme. Mais ça sera un long parcours dans toute son œuvre. Et je crois que, encore une fois, on ne peut pas évoluer seul. Seul, vous tournez en rond. Seul, c'est Soula. C'est les premiers romans ont une structure, un vide entouré d'un. Vous voyez, il y a une image très remarquable de cet enfant qui s'enfonce dans l'eau et vous avez toutes les ondes et puis un vide au centre. Et Soula, c'est ce personnage-là. Je crois que on ne peut s'en sortir et on ne peut réellement dans la vie qu'en communiquant. Et alors, ça commence par la psychanalyse parce qu'à mon avis, la civilisation nord-américaine, de toute manière, a appelé de sa. Enfin, on a remplacé le shrink, le psychiatre, le psychanalyste. On a remplacé la religion bien souvent par ce psychiatre, parce que justement c'est une civilisation qui est fondée sur une contradiction. Et je crois que tous les auteurs américains en sont pour leurs frais, à commencer par Faulkner. Mais alors justement, il y a dans cette question de la psychanalyse l'idée qu'en fait l'esclavage interdit pour les esclaves et leurs descendants de réaliser le schéma psychanalytique. Parce que l'esclavage détruit les structures de la parenté, peut-être à l'exception de la mère qui reste un petit peu auprès de l'enfant, mais bien souvent le père n'est plus là. Et cela, vous l'analysez de cette façon-là, comme l'impossible triangulation oedipienne. Oui. Alors bon, si on suit Freud, bien sûr, c'est l'impossible triangulation, mais il existe d'autres schémas possibles. Et je dirais que la résilience, Boris Cyrulnik a prouvé qu'on peut toujours s'en sortir. Oui. Et je crois que Morrison montre bien. Alors bien sûr, il faut revenir au langage. Et c'est ce que fait la petite Florence dans Le Don, qui commence par écrire, transformer les galets en lettres. Et petit à petit, avec ces lettres, elle fait des mots. Et elle finira par écrire son histoire, gravée sur les murs de la maison, jusqu'au moment où elle se rend compte que c'est peut-être pas la bonne solution, puisque personne la lira, puisque personne ne sait lire. Donc il faut que les mots respirent et que finalement on revient à l'oral. Il est peut-être mieux de la raconter, cette histoire, plutôt que de l'écrire. Mais en tout cas, je pense que beaucoup songez à Frédéric Douglas dans son autobiographie, lui aussi parle de comment c'était vital pour lui quand il était enfant d'apprendre. Alors ça lui était interdit bien sûr en tant qu'esclave, donc il échangeait son quignon de pain, sa nourriture du jour, contre des lettres. Avec ses petits copains blancs sur les trottoirs de Baltimore. Oui. Donc, il apprenait à lire contre de la nourriture. Vous voyez, donc les lettres sont bien, bel et bien, une nourriture. Mais alors, tout de même, on sent que les femmes sont bien là dans l'œuvre, les grands-mères, les mères, les filles. Mais les hommes, les pères, les frères, où sont-ils? Les hommes, ils ont été généralement vendus, généralement ils travaillent à l'extérieur. De toute manière, au départ, les familles étaient séparées, donc les enfants restaient avec la mère. quand ils étaient tout petits. Enfin, l'œuvre de Morrison, c'est pas uniquement le reflet de l'histoire telle qu'elle s'est passée. Elle a choisi tout de même elle a choisi de mettre un peu à l'écart la figure masculine. Ben, je crois qu'elle a commencé d'écrire après son divorce et qu'on sent bien dans ses deux premiers romans, il y a une sorte de revanche. Enfin, il y a une colère. Il y a une colère qui est là et elle en veut aux hommes. Et ses premières images des hommes, d'ailleurs, elle a été critiquée pour ça, l'homme afro-américain. Avant d'être l'homme volant mythique, il est d'abord celui qui court, c'est le Brer Rabbit, hein, il se sauve parce que le seul moyen d'être libre, c'est de courir. Mmh. Et que s'il s'arrête, il a peur qu'on lui remette des menottes, enfin, ou des fers en tous les cas. Des fers, voilà. Marie-Paul Miel de Prinsac, on va poursuivre avec vous cette conversation sur Toni Morrison, juste après, en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel. Bonjour. Dans le numéro de septembre-octobre de la NRF, on trouve notamment un article consacré au livre de Serge Loupien. C'est un article de vous d'ailleurs, Serge Loupien, que vous surnommez le conteur de l'underground français. Je pensais que c'était vous, moi. Oui, moi aussi. Non, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé parce que c'est un peu un intérêt générationnel, je dois le dire. À vous parler de quelles années, alors, éclairer nos auditeurs. Je parle des années 70-80, qui sont l'objet du livre de Loupien, qui a été donc le grand mage de la critique rock à Libé depuis le début de Libé. Il s'est arrêté il n'y a pas si longtemps, il a presque 30 ou 40 années de bons et loyaux services au service du rock'n'roll dans Libé. Et donc il a fait un livre sur cette séquence, cette double décennie, 70-80, qui a été en France, je peux en témoigner en tant qu'ancien lycéen, extrêmement... Et ancien rocker. absolument, a été très très importante. Et ce qui est tout à fait curieux et étrange, c'est que cette histoire a disparu sans laisser de traces. Le rock en France aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation. Il y a une zone d'ombre, une zone de brume qu'il fallait la percer. La France s'illustre dans la musique électronique, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, mais en tout cas c'est intéressant, et c'est ce que Loupien a fait très bien, de raconter ce qui avait mis en mouvement tous ces petits groupes qui vivaient à la fois à la campagne, tondaient les brebis tout en composant du hard rock. Ça m'a beaucoup intéressé d'entrer dans la mémoire de cette histoire qui a occupé une place énorme dans la vie quotidienne des jeunes. Enfin, je passais 10 fois plus de temps à écouter des groupes dont vous n'avez jamais entendu parler. Gong, ah non. Red Noise, d'autres. Ça valait la peine, dans la NRF, de faire ce petit travail d'excavation. Alors, toujours dans la NRF, Vincent Ravalec va excaver encore plus loin, lui. Il va excaver jusqu'au temps des cathédrales. J'ai une grande sympathie pour Vincent Ravalec, qui est un garçon extrêmement joyeux et qui a une façon de parler de ce qu'il aime, ou de ce qu'il n'aime pas, d'ailleurs, mais toujours avec une sorte de tonus. Et qui me plaît beaucoup. Alors, je lui ai proposé très simplement d'écrire quelque chose. Je n'avais pas de sujet précis à lui proposer, mais j'étais certain qu'il allait en trouver. Effectivement, il fait bien que Alain Finkielkraut pourrait aimer avoir écrit, on va lui envoyer, sauf qu'il a été écrit par Vincent Ravalec et que ça rend un son très différent. Donc c'est sur un souci du patrimoine, un souci du passé qui nous accompagne et qui n'est pas un poids lourd, mais qu'au contraire un gisement d'énergie, de force, d'envol, de rock'n'roll. Voilà. Un mot peut-être sur Philippe Ross, qui est beaucoup présent aussi dans la NRF. D'abord, vous l'évoquez dans votre éditorial, et puis aussi Marc Poré, qu'on connaît bien, nous, ici, à la Compagnie des auteurs, vous a donné un texte intitulé « Ross délivré ». Oui, c'était. Alors, ça nous ramène à Toni Morrison, par un certain biais, d'ailleurs. mais ça m'intéressait d'évaluer le vide que laisse Ross après sa mort. D'où le titre de l'édito, La succession Philip Ross. Philip Ross a tort ou a raison, mais enfin, je pense à incarner dans ses livres une certaine voix de l'Amérique. Quand Ross écrivait un roman, on avait l'impression que c'était toute l'Amérique qui était concernée. Quand il disait nous, c'était nous l'Amérique. Ma question, je ne sais pas si elle intéresse tout le monde, mais c'est une question en tout cas que je me pose. Est-ce qu'il y a maintenant encore une place pour ça? Est-ce qu'il y a un écrivain ou une... Est-ce que Toni Morrison pourrait prendre cette place-là? Toni Morrison, non, peut-être qu'elle représente peut-être pas justement toute l'Amérique. Toni Morrison, c'est Ella Fitzgerald. Et c'est énorme, c'est énorme. Je dirais pas que, enfin, elle incarne quelque chose, Toni Morrison, et comme Ella Fitzgerald incarnait quelque chose, j'y ai pensé en vous écoutant là, à l'instant, mais en même temps, je n'irai pas jusqu'à lui donner le rôle symbolique que Philip Roth a eu. Vous êtes d'accord avec ça, Annie-Paul Miel de Prinsac? Mais écoutez, plus ou moins. En même temps, elle ne serait pas, elle serait désolée parce que elle a bien revendiqué son titre d'américaine avant tout, y compris en 2001. Elle a dit aussi qu'elle ne s'était jamais sentie américaine. Ben oui, le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'elle joue beaucoup. Elle dit une chose et une autre. Je crois que malheureusement, ça serait la preuve que qu'elle n'a pas été comprise comme elle aurait aimé l'être. Et c'est la preuve qu'il reste ce degré de racisme qui fait qu'on en fait une romancière noire avant d'en faire un écrivain. Je pense qu'elle a été... Enfin, je me souviens des premiers livres que j'ai lus d'elle, il y a une vingtaine d'années, je me souviens. Ce qui était frappant, c'était que, justement, elle rompait avec l'enclos. Et comme Ella Fitzgerald... Enfin, je compare toujours avec Ella Fitzgerald, parce que ça me fait toujours plaisir de parler d'Ella Fitzgerald, mais c'est un peu la même affaire. Il y a une telle puissance littéraire, là, derrière, que... le côté romancière noire en devient presque dérisoire, en devient presque décalé. Je crois qu'en plus aujourd'hui, elle nous parle directement, parce que nous sommes, tout ce qui se passe en Europe, si vous lisez son œuvre, si vous le prenez pour nous, je pense qu'on a tous le même problème à vaincre et à résoudre. Je pense qu'il faudrait organiser une conversation entre vous dans la NRF, Michel. Pensez-y pour un prochain numéro. J'y pense déjà. À très bientôt, Michel. Merci. Merci à vous. Et vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture, au troisième jour d'une série d'émissions consacrées au prix Nobel de littérature 1993, l'écrivaine Toni Morrison. Nous sommes avec Annie-Paul Miel de Prinsac, qui a consacré un essai à la question de l'identité dans ses romans. So from the very first book, The Bluest Eye, all the way through. Du tout premier livre, L'œil le plus bleu, jusqu'à maintenant, il s'agit pour moi d'une enquête, d'une recherche sur ces histoires non dites. Of women in the literature and in the history. Dont un grand nombre mettait en jeu la place des femmes dans la littérature et dans l'histoire des Afro-Américains. With insight, it was important never to blink. Il était important, si je voulais vraiment voir toutes ces choses, il était important de ne jamais fermer les yeux. Et ce fut un obstacle pour de nombreux lecteurs au début, qui voulaient un regard plus romantique, un portrait plus gratifiant. Ce qui revient à dire qu'ils ne voulaient pas de l'art, mais, comment dire, de la propagande. Some call me a bum. Nobody knows my name. Nobody. c'est là tout ce qui fait l'intérêt de Toni Morrison, c'est qu'elle nous propose de l'art et pas de la propagande. Et c'est là où il y a de la complexité. Complexité que vous soulignez depuis le début de cette émission, Annie-Paul Miel de Prinsac. C'est ça qui est intéressant tout de même. Ah ben c'est ça qui est passionnant et qui fait qu'elle est un grand écrivain, qu'elle est quelqu'un de majeur, qui dépasse de loin les frontières de sa communauté. Mais est-ce qu'elle est perçue comme ça aux États-Unis? Pas forcément, non, pas partout, certainement. Parce que dans l'Amérique de Trump, quand même, ah ben, il y a des réactions, absolument. Il y a même certains de ses romans qui ont été interdits. Enfin, il y a des choses absolument incroyables. Alors, on peut pas lire du Toni Morrison, par exemple, dans les lycées américains, je crois, parce qu'il y a trop de scènes de sexe. Et on peut pas la lire dans les prisons non plus, parce qu'on considère que ça peut être une incitation au soulèvement. À la révolte. À la révolte. Bah, oui. D'ailleurs, certainement, parce que je pense que le noir qui lira et comprendra ce qu'elle dit, à mon avis, ira loin. Enfin, en tout cas, peut se sortir de là. Donc, c'est quelqu'un... oui, c'est de la grande littérature, parce que de la grande littérature, c'est précisément... c'est politique, elle le dit elle-même. Elle ne fait pas de politique, mais toute littérature, toute belle, bonne littérature est politique. Elle n'est pas historienne, mais elle fait de l'histoire, et elle réécrit l'histoire non écrite d'un peuple qui n'avait plus d'histoire. Et d'ailleurs, elle influence certains historiens, puisqu'on est en train de remettre sur le métier tous ces gens qui avaient été ignorés, qui étaient les minorités et qui n'ont pas d'histoire. Est-ce qu'elle est féministe? Elle n'est pas féministe. Elle est, alors oui, c'est quelque chose d'important. Les Afro-Américaines parlent de womanism. C'est une forme de féminité, mais de féminité qui n'essaye pas d'abattre, si vous voulez, elle est contre ce dualisme d'ailleurs de l'Occident, qui fait que les choses sont toujours, c'est blanc ou noir, c'est either or, l'un ou l'autre, et pas les deux. Et elle trouve ça ridicule, moi aussi, et je pense que effectivement, vous pouvez revendiquer votre statut de femme autrement qu'en essayant d'imiter les hommes ou en les abattant. Parce que je crois que ça soit la chasse aux sorcières à l'envers, et ça c'est le rôle de guitare dans la chanson de Salomon, enfin le chant de Salomon, celui qui se contente d'être en guerre contre l'autre et de l'imiter finalement, ou d'être entraîné par la violence, la violence indifférenciée dont parle Girard, ne fait que lui ressembler et ne va pas plus loin. Donc ni la violence, ni l'effet de mimétisme ne peuvent résoudre la question. Une femme n'est pas un homme, elle ne le sera jamais. Donc, Mais ce qu'elle montre dans ses romans, c'est comment la communauté est tout de même tenue par la féminité, si ce n'est par les femmes, par les femmes, mais des femmes qui sont des personnages. Attendez, je sais pas si on en a beaucoup, on en a eu dans le passé, je crois, mais en tout cas on n'en parle pas tellement dans notre littérature. Des femmes qui ont, je reviens sur ce trick of life, elles connaissent la vie. Elles connaissent la vie, elles ont les histoires, elles sont l'ancêtre, parce que ce qu'elle appelle l'ancêtre, c'est finalement la femme qui sait et qui transmet. Et dans ce sens-là, oui, la femme est primordiale, puisque l'homme ayant été bien souvent décimé, s'en remet difficilement. Il a fallu deux, trois siècles, ça va mieux. Mais c'est la femme qui a maintenu la communauté et c'est la femme qui a transmis les valeurs. Alors, il y a un autre roman qui est particulièrement important dans l'œuvre de Toni Morrison. Vous y faites beaucoup référence dans votre essai, Annie-Paul Miel de Prinsac, c'est le roman Tar Baby. On n'en a pas tellement parlé cette semaine, un petit peu quand même. Vous dites que Tar Baby, c'est une histoire d'enfance éternelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être que ça nécessite de raconter un petit peu l'histoire aussi. Alors c'est une histoire, c'est une histoire complexe parce que en fait, vous avez la jeune femme la jeune femme. D'abord, tous les deux sont le Tar Baby. Alors, pour revenir sur le Tar Baby, c'est cette poupée de goudron. De goudron qui est faite par le blanc pour attraper le noir qui venait lui voler ses carottes, pensait-il, enfin, au départ. Hein, et donc, c'est le leurre suprême. Et ici, je vais jusqu'à penser que le Tar Baby, c'est la beauté. En tout cas, Jadine est le Tar Baby de Son, et Son est le Tar Baby de Jadine, parce que tous les deux sont absolument mythiques, et tous les deux s'attirent l'un l'autre. Ce sont deux personnages importants. Deux personnages, voilà. Alors, la jeune femme Jadine, c'est la jeune femme afro-américaine d'aujourd'hui, très libérée, qui fait ses études à la Sorbonne. Ça se passe dans les années 70. Voilà, c'est un roman beaucoup plus proche de nous, et elle est financée par quelqu'un qui l'admire beaucoup, qui est le maître blanc, Valérien. Donc on a reproché beaucoup à Toni Morrison de mettre en scène des blancs. Et on lui a reproché notamment Margaret, la femme de Valérien, qui maltraite son fils, qui est aussi un peu abandonné. Donc Morrison joue beaucoup sur les deux races là à égalité. Et finalement, on retrouve les mêmes tics et les mêmes faiblesses dans l'une et l'autre. C'est ce qu'elle veut montrer vraisemblablement. Voilà. Alors la critique n'a pas tellement apprécié qu'elle ose parler des blancs puisqu'elle est noire. Bon, ça c'est un détail, mais c'est un détail important. Donc pour ne garder que les deux personnages principaux, Jadine, c'est la jeune femme très très moderne, très belle, qui est presque un mannequin, voilà, elle est mannequin pour Elle, pour le journal Elle. Elle est donc une de ces jeunes femmes qu'on rencontre à Paris sur les trottoirs. Donc c'est la femme sophistiquée, c'est pour ça aussi qu'il y a un rapport à l'Europe. C'est pour ça qu'elle vient étudier à Paris, capitale de la mode. Oui, elle est sophistiquée. Elle va faire ses études. Elle fait ce qu'il y a de mieux. Et bien sûr, en Europe, elle rencontre ce monde qui lui est favorable, puisque on est en pleine reconnaissance. Enfin, on cherche à mettre diversifier les mannequins. Mais à côté de ça, c'est une jeune femme qui a perdu ses parents, qui est plus ou moins Valérien lui sert de père. Qui était rejeté aussi par ses parents. De père d'adoption. Oui, elle a perdu ses ancient properties, donc ses propriétés ancestrales. Elle ne sait plus d'où elle vient. Elle ne sait plus. Elle a plus ou moins renié sa communauté d'origine. Et Son, qui a donc ce prénom choisi, ce prénom fils, il est le fils de personne non plus, puisqu'il est le fils d'un père qu'il ne connaît pas, enfin qu'il va croiser très brièvement dans le roman. Il n'a fait que changer de bon, il a un meurtre à se reprocher, il a changé d'identité, et c'est un homme en cavale. C'est un homme en cavale qui s'appelle le fils, qui est très noir, qui est très beau, qui débarque sur cette île, et qui entre dans la maison et finalement est reçu par le maître de maison un petit peu pour agacer les autres habitants, et va tomber amoureux de Jadine, et Jadine va tomber amoureuse de lui. Donc ce sont deux êtres magnifiquement beaux, et la beauté est très présente, très importante dans le roman, mais elle n'est pas forcément vue comme quelque chose de positif pour ceux qui en sont dépositaires. La beauté est plutôt un handicap. C'est un handicap, elle est trompeuse. Je pense que Morrison dénonce là l'erreur d'une civilisation qui ne vit qu'en surface. C'est-à-dire on ne juge les gens que par leur apparence extérieure. Vous êtes beau, donc on vous ouvre la porte. On ne veut pas connaître l'intérieur des gens. On ne connaît rien. Effectivement, ces deux personnages n'ont pas de famille, n'ont pas grandi. Ils restent à l'état d'enfants volontiers capricieux, chacun tirant vers lui l'autre. Et donc, Son, lui, veut retourner à ses ancêtres parce que finalement, c'est quelqu'un qui est peut-être l'un des, enfin, si vous voulez, le mythe en fait un des cavaliers aveugles de l'île, un de ses esclaves qui s'est réfugié dans l'île. Et puis, donc il attire Jay Dine dans sa communauté d'origine, où il n'y a que des femmes, mais qui est une communauté arriérée. Et c'est évident que la jeune femme moderne qu'elle est ne peut pas trouver son compte dans cette communauté, puisque ça veut dire qu'elle redevient esclave, sinon des blancs, du moins de l'homme et de la communauté. Donc elle refuse, et lui refuse New York, qui représente rien pour lui. Oui. Alors on sent que vous avez lu, et vous le dites d'ailleurs, l'œuvre de René Girard, et notamment son concept de désir mimétique, où chacun désire ce que l'autre désire. C'est en effet le cas dans Tar Baby. Oui. Il y a donc ce sont deux personnages qui sont comme en miroir, hein, qui sont, enfin bon, Morrison va plus loin puisqu'elle utilise également une référence au mythe de la méduse, enfin de Gorgone, et Jay Dine devient son Persée, et en fait ne voit Son qu'à travers un miroir, donc ça devient compliqué. Elle n'est pas complètement prise par lui sur le moment. Mais ces deux personnages cherchent la beauté, cherchent chacun leur être quelque chose, la liberté en tout cas. Jay Dine veut être libre, elle ne veut pas être obéir à un homme, et donc ils vont se croiser, ils ne parviendront en fait jamais à établir vraiment le dialogue. Ils vont enfin, on ne sait pas comment. Le roman finit, il n'y a pas vraiment de fin. Son repart guidé vers son passé, vers sa mémoire, mais il est guidé par cette espèce de vieille folle de Thérèse qui est aveugle, qui est une sorte de Tirésias, qui va l'entraîner, on ne sait pas trop où. Et puis, Jay Dine revient à Paris, où elle va retrouver cette femme jaune canari, à la robe jaune canari, qui va peut-être lui donner la conscience qui lui manque. C'est-à-dire, peut-être qu'à Paris, finalement, on peut évoluer favorablement. On se le demande. Alors vous n'oubliez jamais que vous venez des études anglaises avant d'être dépositaire des études américaines, et vous revenez à Shakespeare. On est près de Shakespeare, on est près de la tempête. Dans ce livre, écrivez-vous une tempête de l'ère post-coloniale? Oui, bien sûr, puisque... Bon, vous avez le mage Valérien qui a un nom d'empereur romain, qui est le roi de l'île. Enfin, le roi. Il a acheté cette île pour sa retraite. Vous voyez, c'est un ancien chef d'entreprise, bon, qui a très bien réussi, américain. Vous avez donc Son qui débarque, qui est une sorte de Caliban, mais de Caliban qui est donc très noir, qui a des cheveux qui font penser donc à Méduse, et qui pourrait être effrayant s'il n'était si beau. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est nettoyé, il revient un peu en prince Ferdinand, et Jay Dine, qui est un peu la fille adoptive de Valérien, va tomber immédiatement amoureuse de lui. Mais disons que la référence s'arrête là. La référence s'arrête là parce que chez Morrison, les choses se passent beaucoup plus mal que chez Shakespeare. Vous voulez dire encore plus mal ? Encore plus mal. Alors toute la semaine, je demande aux invités le livre qu'ils préfèrent de Toni Morrison pour donner envie à nos auditeurs qui n'auraient pas encore découvert cette œuvre d'entrer par un bout ou par un autre. Pour vous, ce serait lequel, le livre de l'entrée d'Anthony Morrison? Écoutez, je crois que Le Chant de Salomon reste celui qui m'a le plus enchanté, et qui est peut-être qui met le doigt sur énormément de choses qu'on va retrouver ensuite diluées ou différemment dans l'œuvre de Morrison, mais elle rassemble là le folklore, le mythe, elle élargit la quête. Donc c'est son premier roman avec un garçon, avec un jeune homme comme héros, qui va lui-même à la recherche de son passé. C'est un roman initiatique. Donc on a une quête et elle l'élargit au mythe. Enfin, c'est beaucoup plus vaste que les deux premiers romans. Et en même temps, il n'y a pas ce qui semblait difficile dans Beloved. Pour avoir fait l'expérience de gens qui ont lu Beloved, à qui j'avais conseillé, c'est encore un roman difficile. Merci beaucoup, Annie-Paul Miel de Prinsac. Je rappelle votre ouvrage, De l'un à l'autre, L'identité dans les romans de Toni Morrison, paru aux presses universitaires de Dijon. Vous avez également collaboré à l'ouvrage collectif Au-delà du visible ordinaire, paru en 2014 aux presses universitaires de Vincennes. L'émission d'aujourd'hui n'aurait pu avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Alexandre Dang. On se retrouve demain pour parler en première partie d'émission de la notion d'art noir et dire un mot aussi sur le roman jazz de Toni Morrison. Et puis en seconde partie, nous parlerons de Paradise. Paradis, ce sera avec Vanessa Sylvanise, puis avec Josiane Savigno. Tout de suite sur France Culture, c'est la poésie, Jacques Bonafé. Yo, salut, gardeur de troupeaux, là-bas, au bord de la route. Que te dit le vent qui passe? Qu'il est le vent et qu'il passe. Qu'il est déjà passé, qu'il passera encore. Et à toi, qu'est-ce qu'il te dit? Bien d'autres choses. Il me parle de bien d'autres choses, de mémoire et de saudade, et de choses qui n'ont jamais existé. Tu n'as jamais écouté le vent qui passe? Le vent ne parle que du vent. Ce que tu as entendu était mensonge, et le mensonge est en toi. Léger, léger, très léger, un vent très léger passe et s'en va toujours très léger, et je ne sais pas ce que je pense, ni ne cherche à le savoir. Le gardeur de troupeaux est l'œuvre majeure d'Alberto Cairo, le maître naturaliste des hétéronymes inventés par Fernando Pessoa. Être poète n'est pas mon ambition, c'est ma façon à moi d'être seul. Seul dans un monde peuplé d'hommes qui pensent comprendre le monde, qui vivent dans l'illusion de la pensée, des images, du sens caché des choses. Cairo nous apprend la douce leçon de la simplicité. Je salue tous ceux qui me liront d'un grand coup de chapeau. Pio, pio. Je ne m'occupe pas des rimes. Il est très rare que deux arbres l'un à côté de l'autre soient semblables. Je pense et j'écris comme les fleurs ont une couleur, mais avec moins de perfection dans la façon de m'exprimer parce qu'il me manque la naturelle simplicité de n'être tout entier que mon extérieur. Je regarde et je suis ému. Je suis ému comme l'eau qui court sur un sol incliné. Et ce que j'écris est naturel comme le vent qui se lève. Ah, c'est curieux comme ça me traverse l'esprit. Ce poème de William Cliff l'an dernier, dans Matière fermée, à la table ronde, Monsieur Rousseau est mort, ça n'a rien à voir, sauf peut-être pour le sublime. Il avait un voisin qui s'appelait Rousseau, je crois, William Cliff. Monsieur Rousseau est mort, comment allons-nous vivre? Si tout le temps nous recourions à ces lumières pour savoir le nom de ces plantes qui s'étirent et qui semblent bien être des ombellifères. Cette année-là, on les voyait en abondance pousser sur le bord du fossé. « Monsieur Rousseau, lui demandai-je, qu'est-ce donc que cette transe qui élève partout son très dense réseau ?»« Ce sont des berces, grogna-t-il me regardant, comme un enfant qui viendrait à peine de naître. « Eh, bonjour les berces, leur dis-je en passant tant, j'étais heureux de pouvoir enfin les connaître, car on ne les connaît vraiment que par leur nom. » Toutes ces plantes dont nature nous fait don. Jacques Bonafé, merci.